Ici Marie Ginette Gay, directrice artistique du théâtre Périscope. La saison 2009-2010 est l'année de notre 25e anniversaire. Pour vous, 9 créations additionnent les rêves de plusieurs générations. Autant de rendez-vous pour servir le théâtre d'aujourd'hui. Abonnez-vous à 9 pièces pour aussi peu que 99,99 et courez la chance de gagner votre abonnement en l'achetant avant le 30 juin. Sortez, fêtez et vivez avec nous votre saison de rêve. Théâtreperiscope.qc.ca 529-2183 529-2183. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Bonsoir ou peut-être même bonjour, bienvenue à Web Musique. Je vous dis bonjour ou bonsoir parce que l'émission est disponible en balado-diffusion. Donc, si vous manquez des petits bouts de l'émission ou si vous voulez tout simplement écouter les émissions précédentes, bien, c'est possible de se rendre sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous avez accès à toutes les émissions passées depuis quand même 2007. Donc, cette semaine, j'ai encore fait le tour des internets pour vous. Je vous ai trouvé encore plein de bonne musique. Donc, on va débuter avec une compilation qui vient de Phantom, une étiquette qui vient des Pays-Bas. La compilation s'appelle simplement Compiled. Donc, je vous fais passer trois artistes qui se retrouvent sur cette compilation-là. On va débuter avec Basic. La pièce s'appelle Joanna, Mother of My Children. Basic qui vient des Pays-Bas. Ensuite de ça, c'est un Belge qui s'appelle Craig. Je vous fais passer la pièce Selenéo. Puis enfin, on va entendre Marty's qui vient des Pays-Bas. Je vous fais entendre la pièce Godless. Donc, on débute avec Basic. Thank you. We'll be right back. Vous venez tout juste d'entendre trois pièces sur l'excellente compilation intitulée Compiled. C'est sur l'étiquette Phantom, une excellente étiquette qui nous vient des Pays-Bas. Donc, on vient tout juste d'entendre Marty's, un artiste qui nous vient des Pays-Bas. C'était la pièce Godless. C'était précédé par le très sombre Krang qui vient de la Belgique. La pièce s'appelle Célaneo. Et donc, on avait débuté avec Basic, un autre artiste qui vient des Pays-Bas. La pièce s'appelait Johanna, Mother of My Children. Donc, je vous recommande énormément Phantom. Ils ont toujours des trucs vraiment intéressants. On va poursuivre avec une étiquette qui nous vient de la Suisse, la ville de Genève, pour être plus précis. Je vous fais entendre du Royaume-Uni, un artiste qui s'appelle Inner Eye Fool. Je vous fais entendre sa pièce Inside Out. We'll be right back. L'Angleterre, donc, c'était Inner Eyeful, la pièce Inside Out, c'était sur l'étiquette suisse Mix and Mode, une excellente étiquette. Pour poursuivre l'émission Web Music, ben, je vous propose des pièces par l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. Vous en entendez souvent à l'émission, j'adore cette étiquette-là. Donc, on va entendre tout de suite un artiste qui nous vient de l'Inde, qui s'appelle Line. Je vous fais entendre sa pièce Feels Like Something. Puis ensuite de ça, la ville de Laval, je vous fais entendre Mr. Moods, la pièce Once Upon in the West. Vous écoutez Web Music à CKRL. We'll be right back. And you, music lover, you're next. Drunk piano player. You're so drunk you can't hit nothing. In fact, you're probably seeing double. I have two guns, one for each of you. Vous avez reconnu des échantillonnages de Once Upon in the West, c'était par l'artiste qui nous vient de Laval, Mr. Moods. Avant ça, un artiste indien du nom de Line avec sa pièce Feels Like Something. Donc, deux artistes qui se retrouvent sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. On va faire une courte pause, puis on revient à Web Music. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. Si on n'est pas trop tannant avec les pubs, donc de retour à Web Music, c'est toujours Simon Roy qui vous parle, qui est entre vos deux oreilles. Donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Pour ça, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous avez des liens vers les artistes, vers les pièces. Donc, on va poursuivre, nous, avec Cavi Collective, une étiquette qui nous vient de Londres. Je vous fais entendre un Lyonnais donc, qui s'appelle Hall Bowman. Je vous fais entendre sa pièce « Human ». Une excellente pièce par Ole Bowman, donc qui vient de Lyon en France. La pièce s'appelle Human. C'était sur l'étiquette Kavik Collective, une étiquette qui nous vient de Londres. Une étiquette vraiment active. Ils ont énormément d'albums, donc je vous invite à aller faire un tour de leur côté. Vous ne serez pas déçus, ils ont vraiment du bon matériel. Pour poursuivre, ben, je vous présente deux pièces qui sont sur l'étiquette, ou plutôt le répertoire de Netlabel Flow Magazine, un magazine vraiment intéressant qui a plein de nouvelles à propos des Netlabel. C'est toujours une excellente source d'inspiration pour l'émission. Donc, je vais débuter avec Nils Hoffmann, un artiste qui nous vient de Hambourg en Allemagne. Je vous fais entendre sa pièce « Sweet Man Like Me ». Puis ensuite de ça, un groupe que j'adore, Apes on Tapes, j'adore le nom aussi. Donc, ils viennent de l'Italie, de la ville de Bologna. La pièce s'appelle Grand Five. Donc, ces deux pièces-là se retrouvent sur la compilation Nivel del Mar, Sound for Soul Surfers, sur l'étiquette Flow Magazine. Donc, pour tout de suite, on entend Nils Hoffmann. C'était Apes of Tapes à l'émission Web Music. Donc, la pièce s'appelait Grand Five, Apes of Tapes, qui viennent de l'Italie, de la ville de Bologna, pour être plus précis. Avant ça, ben, c'était Nils Hoffmann, un artiste qui nous vient de la ville de Hambourg, en Allemagne. C'était sa pièce Sweet Man Like Me. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'excellente compilation par Flow Magazine. La compilation s'appelle Nivel del Mar, Sounds for Soul Surfers. Donc, une étiquette que je vous recommande énormément. On va poursuivre avec deux autres pièces. La première vient de Brigitte Bijoux. J'ai trouvé ça sur une compilation Block Sonic. Donc, la pièce s'appelle Séduction douce. Brigitte Bijoux, qui est une germano-française qui vit maintenant à Tokyo. Puis ensuite de ça, on va entendre ADR, c'est la pièce Short Movie Song. Donc ADR qui vient de la Pologne, c'est sur l'étiquette Test Tube qui nous vient du Portugal. Donc pour tout de suite, on entend Brigitte Bijoux. We'll be right back. I plany of the effect będzie profesor dyrektora. Zabyt A i plany of the effect będzie profesor dyrektora. Donc, vous venez tout juste d'entendre ADR, un artiste qui nous vient de la Pologne. La pièce s'appelle Short Movie Song. C'était sur l'excellente étiquette du Portugal Test Tube. Avant ça, c'était Brigitte Bijou, donc une germano-française qui vit maintenant à Tokyo. Sa pièce s'appelait Séduction douce. Donc, j'avais trouvé ça sur l'excellente compilation. Mon Dieu, je me souviens plus du titre, mais c'est sur Bloxonic, donc qui offre toujours plein de compilations vraiment intéressantes. À peu près une compilation par mois, donc il y a toujours un PDF qui est inclus avec ça. C'est toujours un lancement de qualité de donc Bloxonic. Je vous recommande d'aller faire un petit tour de leur côté. Ben pour nous, ça va être déjà tout pour Web Musique. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à venir faire un tour sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous avez toute l'information. Puis, vous avez les playlists des émissions. Donc, vous pouvez aussi laisser des commentaires directement sur les playlists. Si vous êtes des artistes qui publiez sous licence Creative Commons, ben ça va me faire plaisir de vous faire passer à l'émission. Vous avez juste à me contacter. Puis, ben ça, je pense que c'est ça pour ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne nuit sur les ondes de CKRL. À l'instant, c'est Jason Vlasak qui s'en vient avec son émission Jazzimus Actuel. Je vous souhaite une bonne nuit sur les ondes de CKRL. Les nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Marouille. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24h sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.